Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé publique qui nous concerne tous et pour lequel une sensibilisation est importante. Il s'agit de l'ambroisie. Alors, pour évoquer le fléau engendré par cette plante invasive, j'accueille aujourd'hui Aurélie Travouillon, coordinatrice du contrat local de santé au Pays-Loire-Touraine. Bonjour Aurélie. Bonjour Marlène. Et Claire Touminot, responsable pôle santé-environnement chez Fredon Centre-Val de Loire. Bonjour Claire. Bonjour Marlène. Alors, pour commencer, j'avais envie de me tourner vers Claire pour lui demander d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est Fredon. Alors, Fredon, c'est ce qu'on appelle un organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal. Donc, c'est-à-dire que on travaille sur tout ce qui touche à la santé du végétal. On fait de la surveillance du territoire de maladies qu'on appelle réglementées. On fait des diagnostics pour toutes les personnes qui possèdent des végétaux. Donc, on recherche les maladies qu'ils ont sur leurs arbres ou leurs plantes. Et puis, on accompagne aussi les collectivités à la gestion écologique de leurs espaces verts. Et on les accompagne aussi dans la gestion des espèces invasives et à enjeux pour la santé humaine. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui pour parler de l'ambroisie. Très bien. Alors Fredon intervient plutôt auprès d'organismes, auprès de collectivités, d'institutions. Moi, en tant que particulier, j'ai la cloque sur mon poirier, j'appelle pas Fredon. Si on peut aussi, oui. On a ce qu'on appelle une clinique du végétal. Donc c'est un laboratoire qui permet de faire des diagnostics. Et là, on peut répondre à tout détenteur de végétaux. C'est vraiment tout public. Ça dépend pour quel type de sujet. On a des sujets qu'on travaille avec les institutionnels et des sujets qu'on travaille avec les collectivités, les privés et les particuliers. Tout. D'accord, très bien. Bon, eh bien, on a une explication plutôt claire de ce qu'est Fredon. Merci beaucoup, Claire. Aurélie, j'aime bien à chaque fois vous redemander en quoi consiste le contrat local de santé, évidemment pour les auditeurs qui raccrochent les wagons et qui n'écoutent pas régulièrement le MAG dans lequel vous intervenez quand même quelques fois dans l'année. Donc le contrat local de santé, c'est un outil qui permet de mettre en œuvre une politique locale de santé qui va être adaptée aux besoins et aux enjeux du territoire et de sa population. L'objectif, ce n'est pas de travailler en direct sur la santé, mais tout ce qui est déterminant de santé, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la santé qui va permettre de changer les comportements des habitants et d'améliorer leur santé. Alors, c'est quoi la relation entre vos deux entités, entre le Pays-Loire-Touraine et Fredon? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Aurélie, vous venez accompagner de Claire? Alors, dans le contrat local de santé, on a un axe thématique qui est la santé environnementale. Et de ce fait, on a l'ambroisie qui est en train de se développer sur notre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille actuellement avec Claire pour sensibiliser la population et nos élus. Alors, l'ambroisie, ce fameux fléau qui va faire l'objet effectivement de cette émission aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une plante qu'on appelle exotique envahissante, donc qui est originaire d'Amérique et qui est présente sur le territoire français depuis la fin du 19e siècle et qui cause des problèmes de santé publique puisqu'elle est allergisante. Et donc, il y a une grande part de la population qui devient allergique au contact de ce pollen. Et petit à petit, la plante remonte sur le territoire français et est maintenant présente en France. Cette plante est inscrite au Code de la santé publique en tant qu'organisme nuisible à la santé humaine. Et de ce fait, les départements prennent des arrêtés préfectoraux pour lutter contre cette plante. Et donc, en Indre-et-Loire, l'arrêté préfectoral a été pris au mois de mars, donc qui demande une lutte obligatoire contre cette plante. D'accord. Alors, quand on parle d'allergie à ce fameux pollen, ça veut dire que c'est quand on le respire ou quand on touche la plante que c'est allergène ? Ouais, c'est quand on le respire. D'accord. Et donc, il suffit d'une dizaine de grains de pollen par mètre cube d'air pour qu'il y ait des symptômes qui soient déclenchés. Donc, c'est assez peu, c'est minuscule un grain de pollen. Donc, il faut vraiment limiter la présence de cette plante pour limiter les allergies. Et j'aurais une question. C'est quoi les symptômes, en fait, de cette allergie à l'ambroisie ? Alors, il y a différents symptômes, mais c'est surtout des symptômes respiratoires. Donc, c'est une rhinite allergique, qu'on appelle rhinite allergique. Ça peut se traduire aussi par une conjonctivite, un peu d'eczéma dans des cas plus rares. Et au niveau respiratoire, ça peut aller jusqu'à de l'asthme pour les cas vraiment marqués. D'accord. Oui, donc là, on imagine que ça peut affecter de manière très significative la qualité de vie des gens qui sont sensibles à cette plante. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette plante ? Elle ressemble à quoi ? Alors, c'est pas facile comme ça, mais pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, alors évidemment, on vous invitera à aller taper sur votre moteur de recherche ambroisie de manière à avoir une photo et mieux se rendre compte. Mais ça ressemble à quoi ? C'est comment ? Alors, c'est une plante qui a des feuilles très découpées, qui n'ont pas d'odeur, donc qui est verte des deux côtés, qui a la tige velue Et alors là, j'utilise un terme un petit peu technique, c'est une plante qu'on appelle monoïque, donc les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées. Et ce qui se repère bien, c'est que les fleurs mâles qui produisent le pollen qui est allergisant sont regroupées en une sorte d'épi au bout de la tige. Et donc cet épi est très jaune quand il y a la présence de pollen. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique de la plante. La plante, elle peut aller jusqu'à 1,50 m de haut. Ah oui, quand même. Quand elle est tranquille et qu'elle peut se développer. Mais si elle n'a pas beaucoup de place, elle peut être assez petite. Ou si elle a été coupée plusieurs fois, elle peut fleurir même en faisant 10 cm. Et là, le pollen, c'est en ce moment que ça pose souci, c'est-à-dire que là, on est au mois de juin, cette émission est enregistrée évidemment au mois de juin, et d'ailleurs, on va en reparler, mais il y a des journées nationales de sensibilisation à l'ambroisie, mais ça veut dire que là, actuellement, elle répand déjà son pollen, c'est quelle période ? Ah non, pas encore, ça fleurit plutôt au mois d'août, donc c'est ce qui la différencie avec d'autres plantes allergènes. Les plantes allergènes qu'on connaît habituellement, elles fleurissent au printemps ou maintenant, et c'est là qu'on a ce qu'on appelle les rhumes des foins, donc l'ambroisie, elle fleurit plus tard et c'est la seule plante allergène qui fleurit à cette période-là. Donc quand on a des allergies à la fin de l'été, en août-septembre, c'est vraiment lié à l'ambroisie. Ah, oui. Là, en ce moment, elle est toute petite et c'est pour ça qu'il y a les journées des ambroisies maintenant, parce que c'est la période idéale pour lutter, parce qu'elle a commencé à pousser, donc on peut la reconnaître et on peut la détruire sans risque de respirer du pollen et du coup sans prendre des risques pour sa propre santé. Donc d'un point de vue cutané, pas de risque. Il vaut mieux peut-être utiliser des gants si on en trouve et qu'on veut l'arracher. Oui, il vaut mieux utiliser des gants par principe de précaution, mais là, à ce stade-là, elle est inoffensive et c'est plus comme n'importe quelle plante. Si jamais on a peur d'avoir une réaction quand on touche une plante, on peut mettre des gants. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas de pollen, il n'y a aucun problème. Ça fait longtemps qu'on trouve l'ambroisie sur notre territoire, Centre-Val-de-Loire ? Alors, Centre-Val-de-Loire, il y en a petit à petit et ça remonte. Centre-Val-de-Loire, dans le département du Cher, il y en a beaucoup. Ah, donc oui, ça fait quand même pas mal d'années qu'il y en a déjà. Indre-et-Loire, c'est un petit peu plus récent. Alors, il y en a toujours eu. C'est la quantité qui augmente progressivement. Et ce qu'on sait moins bien, c'est depuis quand elle est vraiment là. Parce que là, les données qu'on a, c'est des données issues de signalements. Mmh. Donc, on sait qu'on en a vu à une date. S'il n'y en avait pas avant, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'y en avait pas ou si c'est parce qu'on ne l'avait pas signalé. Oui, d'accord. Donc, c'est difficile de dire une date exacte. Mais alors, c'est intéressant parce que là, évidemment, on focus sur l'ambroisie, mais il y a d'autres plantes comme ça qui sont sujettes à allergies. Je parle de notre territoire, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, chez nous, autour de chez nous. Alors, allergies comme celle-ci, pas forcément. Il y a des plantes qui sont dangereuses pour la santé. Mais celle-ci, c'est la seule plante qui est inscrite au code de la santé publique en tant qu'organisme nuisible à la santé. Oui. Les autres, il y a des plantes qui sont dangereuses si on les touche, si on les mange, et qui sont allergisantes, mais pas à ce point. Au point de l'ambroisie, vraiment, c'est la seule qui est inscrite au code de la santé publique. Mmh. Alors, je me tourne maintenant vers Aurélie. Qu'est-ce que fait le Pays Loire-Touraine pour lutter contre ce fléau-là ? Alors, tout d'abord, nous, on a d'abord fait venir Claire lors de réunions avec nos élus. Mmh. On a pu sensibiliser nos référents santé, sachant qu'on a un référent santé par commune. Dernièrement, on a également donc sensibilisé les élus et dernièrement, on a organisé une réunion qui réunissait les élus, les maires, les agents techniques. On avait quelques associations et l'objectif, c'est de réunir un maximum de personnes comme les chasseurs, les randonneurs qui pourront reconnaître cette plante et l'arachis. Un référent santé par commune, ce sont des personnes qui sont bénévoles ? Non, ce sont des élus. Ah, d'accord. Mmh. Un élu qui est référent, d'accord. Oui. Et lors de la dernière réunion, donc, nos objectifs, c'est de continuer d'informer, de sensibiliser les élus et également de sensibiliser les enfants. Et oui, évidemment. Et mettre en place une communication commune et percutante pour la population. Donc peut-être avec aussi la concertation des maîtres d'école ? Oui, ou tout ce qui est périscolaire, on réfléchit dessus actuellement, comment on peut le mettre en place. D'accord, très bien. Alors, quelles mesures peuvent être prises pour lutter contre l'ambroisie, Claire ? Alors, l'arrêté préconise plusieurs types de mesures. Donc, la première mesure préconisée par l'arrêté, c'est la prise de référents ambroisie par les collectivités. Donc, c'est préconisé pour un référent par commune, mais si les communes sont trop petites, il peut y avoir un référent pour une communauté de communes, par exemple. Et donc, un référent ambroisie, c'est soit un élu, soit un agent, soit même un bénévole de la commune, ou ça peut être un binôme de référents. et qui, du coup, travaille sur l'ambroisie, qui est là pour informer la population et qui fait appliquer l'arrêté ambroisie. Notamment, s'il y a un signalement d'ambroisie sur sa commune, c'est le référent qui est informé et qui va aller au devant du propriétaire pour lui demander d'appliquer l'arrêté, donc de détruire la plante. Donc ça, c'est la première chose que demande l'arrêté. Ensuite, bah, du coup, ce que demande l'arrêté, c'est évidemment de détruire la plante à toute personne qui a de l'ambroisie chez lui. Donc c'est soit de l'arrachage, soit de la destruction mécanique. Ça dépend du lieu de l'ambroisie, de la quantité qu'il y a aussi. On ne réagit pas du tout de la même manière s'il y a une plante ou s'il y a un tapis de milliers de plantes. Et puis ça dépend aussi du stade. L'objectif, c'est de le faire avant que la plante fleurisse pour éviter les émissions de pollen, mais vraiment surtout de le faire avant la production de graines, parce qu'une plante produit des milliers de graines. Et là, d'où l'aspect invasif. C'est ça. Mmh. Et chaque graine est capable de rester plus d'une dizaine d'années, on dit de 30 à 40 ans, vivante dans le sol. Mmh. Donc elle peut attendre qu'il y ait les bonnes conditions pour germer, en fait. Elle est une sorte de dormance. Mmh. Et dès que les conditions arrivent, même si c'est dans 35 ans, elle peut regermer. Donc vraiment, il faut éviter que... On n'est pas débarrassé. Hein. C'est ça. Il faut vraiment éviter que l'ambroisie fasse des graines, parce que c'est le début des problèmes. Et il y a des lieux propices où ça se développe ? Est-ce que c'est au bord de l'eau, dans un jardin, en forêt ? Alors, il y a pas mal de lieux où l'ambroisie peut se développer. C'est les lieux où il y a un petit peu d'activité humaine et où la terre est brassée et mise à nu. Alors, le premier lieu auquel on pense, c'est les bords de Loire, parce qu'on a des grands bancs de sable. Et donc, c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour l'ambroisie, parce que la graine flotte, donc elle est déplacée par la Loire et elle arrive sur les bancs de sable et elle s'installe. Les bords de route sont aussi des bons lieux, les chantiers et surtout au milieu des parcelles agricoles, notamment les champs de tournesol, quand c'est la période du tournesol. Du coup, l'ambroisie a le cycle qui correspond au tournesol et donc pousse très très bien dans les champs. Alors imaginez les champs de tournesol en bord de Loire, là on est à la totale. Et est-ce que c'est dangereux pour les animaux ? Enfin, je sais que plusieurs fois j'ai entendu des incidents avec des jeunes chiens qui ingéraient des plantes, c'est pas l'ambroisie là qui est mis en cause ? Alors c'est généralement pas l'ambroisie. D'ailleurs, les animaux sont une des méthodes de lutte, ce qu'on appelle l'éco-pâturage, donc par soit des moutons, soit même des vaches, qui peuvent manger les pieds d'ambroisie. Et par contre, effectivement, on a déjà eu des retours de chasseurs qui avaient leurs chiens qui étaient un petit peu déboussolés parce qu'ils avaient traversé des champs d'ambroisie et donc du coup, ils avaient des symptômes allergiques et donc ils perdaient l'odorat. Donc pour les chiens de chasse, c'est un petit peu embêtant. Eh bien, il faut arrêter de chasser. D'accord. On a évoqué tout à l'heure les référents santé par commune. Aurélie, est-ce qu'un référent santé de sa commune est par définition référent ambroisie ? Ou pas ? Non, pas forcément. D'accord. Donc vous cherchez des référents peut-être ? Oui, on souhaite qu'il y ait un référent ambroisie dans chaque commune. Donc on les sensibilise beaucoup et on les stimule à vraiment s'inscrire sur la Fredon, c'est ça Claire ? Oui, il existe un formulaire à remplir pour s'inscrire en tant que référent. Il est joint à l'arrêté, on peut le retrouver avec l'arrêté. Et il y a eu une diffusion de la préfecture suite à la prise de l'arrêté auprès des mairies. Et suite à cette communication, on a vu déjà pas mal de communes qui ont pris leur arrêté. Donc là, on en est à une quarantaine de référents dans le département. Donc on est encore loin d'avoir couvert la totalité du département, mais on est en très net progrès depuis le début de l'année. Et comment vous faites pour communiquer ? C'est au travers de plateformes numériques, il y a des éditions presse, enfin, comment vous faites justement pour parler de ce problème ? Bah, par exemple, on vient à Radioactive. J'en attendais pas moins dans votre réponse. Mais sinon, on a notre site internet, on utilise les réseaux sociaux, on utilise notre newsletter auprès de nos adhérents. Et puis aussi, on fait beaucoup de stands et on fait de la sensibilisation à la fois auprès du grand public et auprès des élus. Donc on fait différentes manifestations. Notamment, on a des chantiers d'arrachage qui sont prévus. Ils sont en train d'être reportés, voire annulés à cause du niveau de la Loire. L'ambroisie n'est pas forcément présente en ce moment, alors que c'est l'époque où d'habitude elle est là, mais là on a la Loire qui était tellement haute que les bancs de sable n'étaient pas apparents. Donc l'ambroisie n'a pas encore poussé sur les bancs de sable. Donc on décale nos chantiers d'arrachage à cause de ça. Mais on a quelque chose qui est décalé, mais pas à cause des législatives. Ça change un petit peu. C'est ça. On a aussi d'autres événements qui sont décalés à cause des législatives. On a tout. On encourage aussi les communes à mettre des informations sur les bulletins municipaux. On a un article type qu'ils peuvent mettre sur leurs bulletins municipaux. Donc, en contactant le Pays Loire-Touraine, ils peuvent avoir toutes les infos nécessaires. Oui, tout à fait. Et on a, sur le site internet, on a fait une page aussi santé environnementale qui va sur le site de la Frodon qui donne toutes les explications. Très bien. Alors, cette émission que nous réalisons ensemble actuellement, elle sera diffusée et accessible en podcast sur la page Facebook Radioactive. Et on y mettra évidemment les liens et également des photos pour pouvoir repérer ce qu'est l'ambroisie. Tu connaissais, Hugo, l'ambroisie ou tu découvres aujourd'hui ? J'en avais entendu un peu parler, comme ça, par hasard, mais non, là, ça m'a apporté beaucoup d'éléments assez intéressants, toujours. J'ai appris des choses, là, grâce à Claire et Aurélie. À Claire et Aurélie, merci. Vous voyez, vous avez déjà sensibilisé 2 personnes, plus Vincent qui est en technique. Yes. Voilà, donc vous avez déjà 3 personnes qui seront plus à même de faire attention à tout ça. Si je vois, du coup, de l'ambroisie, je le signale. Exactement. Oui. Il existe donc une plateforme de signalement qui est au niveau national, donc qui s'appelle Signalement Ambroisie, et qui permet à n'importe qui de signaler. On n'a pas besoin de créer de compte. Donc c'est soit par l'application, soit après, une fois qu'on est rentré à la maison sur le site internet, soit même par téléphone si on a envie. Mais donc on peut envoyer une photo pour montrer que c'est bien de l'ambroisie, et puis du coup décrire le nombre de plantes qu'il y avait, exactement l'endroit où c'était. Mmh. Et comme ça, une fois qu'on a fait le signalement, le référent de la commune est informé, et puis Fredon, nous, on est informé aussi. Et du coup, ça nous permet ensuite de, déjà de valider que c'est bien de l'ambroisie et de demander aux personnes concernées de détruire la plante. Et de suivre après même le statut, parce qu'avec cette plateforme, on peut enregistrer si la plante a bien été détruite. Donc on a un statut validé détruit. D'accord. Oui. Donc suivi de A à Z. C'est ça. Comment sont financées toutes ces opérations, Claire, que vous pouvez mener avec Fredon ? Alors c'est financé par l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, dans chacune des régions. Donc nous, au sein de la région Centre-Val-de-Loire, c'est l'ARS Centre-Val-de-Loire qui nous finance une convention sur... les espèces à enjeu pour la santé humaine, donc les espèces qui sont inscrites au code de la santé publique, et il y en a 2, donc il y a l'ambroisie et il y a aussi les chenilles processionnaires. Donc on travaille sur ces 2 espèces avec l'ARS au sein de cette convention. Et puis Aurélie, tu travailles un peu avec l'ARS aussi. Oui, mon poste, moi, est financé une bonne partie par l'ARS, et l'ARS nous demande de travailler sur cette thématique santé environnement et ambroisie, particulièrement sur notre territoire. Eh bien, merci à l'Agence régionale de santé de s'intéresser à ces soucis-là qui sont du domaine de la santé publique, donc un petit peu normal, mais d'accord, donc ça nous éclaire sur cet aspect-là. Eh bien, merci pour toutes ces informations précieuses. L'ambroisie, c'est un problème sérieux, donc il est évidemment préconisé d'avoir une bonne connaissance des actions concertées pour pouvoir réduire les impacts. C'était le but de cette émission aujourd'hui. Merci encore à Claire Touminot, qui est donc responsable pôle santé environnement chez Fredon, et puis Aurélie Trabouillon, coordinatrice du contrat local de santé au Pays Loire-Touraine, et qui travaille conjointement pour lutter contre l'ambroisie. Merci également, Hugo, de ta présence. De rien. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau numéro.